dans cette chambre, sans même se voir, sans même s'entendre, 10 000 fois à se méprendre, à s'oublier, sans même chercher à se comprendre. Il y a trop de place pour toi et moi dans cet espace froid et étroit. Il y a trop de place autour de nous et rien ne se passe, plus rien du tout, plus rien du tout. Diable s'enlace, trop de distance sous cette couette. Fini les conférences, fini les tête-à-tête. Peut-être, peut-être, peut-être qu'avec le temps tout s'en va et qu'il faut prendre le temps d'être là, de se regarder en face, toi et moi, de se serrer dans cet espace, tout contre toi, tout contre moi.